mettez votre casque. Sur les bancs. Sur les bancs. Sur les bancs. Ici, vous serez bien. Sur les bancs. Sur les bancs. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Écoutez. Prenez place. Sur les bancs. Écoutez. Installez-vous. Mettez votre casque. Encore. De Fanny Chiarello. Non, pas vexé. Un peu agacé. À mes tout débuts, un auteur à la mode m'avait demandé comment je pouvais écrire à la campagne. Lille, c'est pourtant pas Los Angeles. Mon éditeur n'a rien sous-entendu d'aussi méprisant, mais ce rire, je sais pas. Il me rappelle que je suis une petite, je crois que je serai toujours une petite. Je ne connais pas les codes, paraît-il. Bien sûr, il y a des codes. L'auteur à la mode me l'avait dit à l'époque. Dis, ça t'ennuie pas si je mange en te parlant ? Non, je suis dans un parc, face à une éminence. Ah, tu sais, une espèce de colline kitsch qui rappelle un peu le temple d'Angkor. J'ai acheté un pauvre sandwich club dans une supérette. Parce que tout est hors de prix dans cette ville. Et puis je me sens déplacée partout ici, comme si même pour manger, il fallait disposer de codes particuliers. Eh oui, la provinciale dans toute sa splendeur. Le plouc sur son banc public avec son sandwich d'autoroute au pain de mie ramolli, à deux pas des prestigieuses brasseries de la capitale. Mais je suis sérieuse, tu sais, on me traite toujours comme une quantité négligeable. Ici, tout le monde se connaît, tout le monde est arrogant, condescendant. Je préfère la compagnie des canards. Inutile de te rappeler ce que j'ai fait pour ton poulain il y a moins de 3 semaines. Attends. N'y vois pas du chantage, je lui ai dit. D'ailleurs, ce que j'ai fait pour ton poulain, je ne l'ai pas fait pour que tu me sois redevable, mais parce que je crois vraiment à son talent. Excuse-moi, bon, je voulais juste m'assurer que je ne me trompais pas. Je ne vais pas me laisser muser. Tu sais qui vient de s'asseoir sur mon banc ? Quoi ? Romain Chapon. Dîner chez ? Tu plaisantes ? Non, j'y étais pas. J'ai lu tous ses livres. Ah, ça, je me doute bien. Non, ça, c'est de Noël Capron. Tu sais qui il essaie de placer ? Romain Chapon. Au moins 15 titres. Ce n'est pas cynique de dire. Je n'aurai plus jamais faim a eu un prix il y a 2 ans. Je sais plus lequel. On met les pieds. Oh, tu sais, moi, les prix. Hein. Lui, je suis trop provincial pour m'y intéresser. Le monde entier le regarde. Je crois, oui. La narratrice fait une dépression après la mort de son frère. Et on devine qu'elle avait pour lui des sentiments pas très orthodoxes. Ça ne te dit rien ? Il a fait quelque chose hasardeux et il n'a pas. Ah, pas du tout. Le traitement n'a rien de glauque. L'écriture est subtile, pleine d'ambiguïté. J'ai toujours admiré son travail. Oh, Hélène ! Je t'assure, ça me fait drôle de le voir si près de moi. J'en ai les jambes qui tremblent. Et dis-lui que j'attends toujours la. Non, jamais. Même pas dans un salon du livre. Même pas de loin. Eh non, non, toujours pas. J'oserais jamais. Non, je t'en veux pas. Je d'ailleurs, il est au téléphone. Oui. Ah non, il raccroche, tiens. Tu crois ? Après tout, je n'ai rien à perdre. J'adhère totalement au contre-Sainte-Beuve. Je sais déjà qu'un auteur génial peut cacher un sale type. Au pire, je ne tomberai pas de très haut. Oui, je te rappelle, je te raconte ça. Bonjour. Excusez-moi, je me permets de vous aborder parce que nous avons le même éditeur. Vraiment ? Oui, et d'ailleurs, je désespère qu'il nous présente. Il sait pourtant que j'ai lu tous vos livres. Si vous commenciez par me dire votre nom. Je suis Servin de Lannoy. Mais bien sûr. Vous ne ressemblez pas à la photo. Les cheveux, peut-être. Oui, je les ai coupés depuis la prise de vue. C'est donc ça. Mille excuses, cher Servan. En tout cas, cette coupe garçonne, c'est très mignon. Très, très mignon. Merci. Excellent roman, La vie danse. Et je ne dis pas ça parce que le titre me rappelle ma propre densité de l'âme. Mon tout premier roman. Ce n'est pas hasard, vous savez, mon titre était une forme d'hommage. Mais je ne reviens pas. Vous avez entendu parler de la vie danse ? Je l'ai même lu. Sinon, je n'émettrai pas de jugement aussi péremptoire. La densité de l'âme, c'est le texte qui m'a donné envie d'écrire, dès le collège. Eh bien, je suppose que ça ne me rajeunit pas, comme on dit. Ah, je voulais pas, je... Pardon, monsieur Chapon. Pourtant, je fais tout ce que je peux pour m'épargner ce genre de vexation. Je ne prends jamais les transports en commun pour éviter que des jeunes femmes telles que vous me proposent leur siège. Mais là, je vous vois pourtant si bien. Vous êtes de ces hommes comme Cary Grant. Vous voulez dire mort ? Ou George Clooney. Ah, c'est contrariant. J'ai une table réservée dans un excellent petit restaurant à 2 pas d'ici. Et mon ami qui tient les pages culture de... Enfin, qu'importe. Cet ami vient de me faire faux bond pour une vieille peau refaite mais influente. Mais je peux vous accompagner, moi ? Oh, désolé, ma chère. C'est un restaurant pour seniors. Encore bravo pour votre livre et votre coupe de cheveux. Bonne journée. Oui, c'est fait. Bon, connard. Mais je te l'avais dit, je m'attendais. Oh, rien de spécial. Le vieux beau parisien. Une vraie caricature. C'était Encore, de Fanny Chiarello, avec Dominique Ollier et Jean Ocotrel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Vicence. Prise de son, montage et mixage, Cécile Braque et Jason Taus. Assistant à la réalisation, Félix Levaché et Clémence Gross. Réalisation, Laurence Courtois. Sur les bancs est une coproduction France Culture et Gédéon. Sur une idée originale de Thomas Baumgartner.